Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, 5 ans tout juste après les attentats de janvier 2015 qui ont coûté la vie à 17 personnes et 4 mois avant l'ouverture du procès des djihadistes responsables des tueries de janvier et de novembre de cette année 2015 à Paris, retour sur 3 jours qui ont traumatisé la France. Janvier est un mois particulier, sans rythme, où l'on sort des vacances de Noël, où l'on pense à l'année qui vient, avec quelquefois de bonnes résolutions. C'est aussi le mois des vœux qu'on souhaite, par convenance ou sincérité. Mais désormais, janvier, c'est tout autre chose en France. Janvier, c'est le souvenir de l'impensable. Au cours de cette émission, nous allons nous plonger de nouveau, pendant une heure, sur ces 3 jours de chaos. Auprès des victimes, chez Charlie Hebdo, à Montrouge et à la porte de Vincennes, mais aussi aux côtés des inconnus qui, par leurs actes, ont résisté. Survivants des fusillades ou simples badauds, c'est vous peut-être, nous sûrement, tous unis dans la résistance contre l'ennemi qui s'en prend à nos valeurs, à notre mode de vie, à nos libertés. Étrange anniversaire que celui du 7 janvier, qui célèbre à la fois la naissance du journal Charlie Hebdo, 50 ans tout juste, et qui fait remonter à la surface ce jour où des fanatiques ont voulu sa mort à coups de Kalachnikov. En seconde partie, nous recevrons le compagnon si proche des disparus de Charlie Hebdo, Patrick Peloux, qui porte leurs souvenirs parmi les vivants à sa façon. Le 7 janvier 2016, un an après le drame, c'est à l'émission Affaires Sensibles qu'il avait décidé de se confier. Il est avec nous aujourd'hui encore. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, rue Nicolas Appert, 11e arrondissement, 7 janvier 2015, peu après 11h30. Ils sont là, ils sont là. Chut, ils sont là. Okay. Baissez-vous. Bougez pas, surtout pas. On les a déjà appelés. Quelques minutes auparavant, c'était des rires qu'on pouvait entendre au second étage de cet immeuble. Ici se trouve un journal hebdomadaire satirique et grivois qui porte le nom de Charlie Hebdo. Voilà plus de 20 ans que ce journal, enfant des années 70, né de l'esprit libertaire des Cavana, Choron et Volinsky, publie chaque semaine caricatures, chroniques, billets acerbes, regards percutants et sans concession sur notre société. À la une du dernier numéro, c'est Michel Houellebecq qui fait les frais de cette équipe d'amuseurs publics. Le visage blême, chapeau pointu sur la tête, il déclare « En 2015, je perds mes dents, en 2022, je fais ramadan ». L'écrivain est en pleine promotion de son dernier ouvrage, intitulé « Soumission », projection cauchemardesque d'une France dirigée par un parti musulman arrivé au pouvoir grâce aux urnes. Ce 7 janvier, comme chaque mercredi, l'équipe du journal se retrouve pour la réunion de rédaction. Ce jour-là, ils sont 13 autour de la table, dessinateurs, chroniqueurs, invités. Quelques absents tout de même. Willem, qui ne vient jamais. Luz, qui sera en retard, car aujourd'hui il fête ses 43 ans. Et Patrick Peloux, qui a quelques encablures de là, est en pleine réunion avec les pompiers et les représentants des urgentistes. Dans cette petite salle sans fenêtre, on débat, on rit sous le regard d'anciennes unes affichées sur le mur. Parmi elles, celle de 2006, celle où l'on voit une caricature de Mahomet se tenant la tête entre les mains et disant « C'est dur d'être aimé par des cons ». Mais aussi celle de 2011, intitulée « Charia Hebdo ». Ce numéro spécial a valu au journal un incendie qui avait anéanti ses locaux, aini qu'une protection policière pour Charb, Luz et Riz. Un peu plus de 3 ans après cette première alerte, dans la loge de l'immeuble où se trouve le journal, des premiers coups de feu retentissent. En bas, après cette trompée de numéro, 2 hommes franchissent la porte du numéro 10. Là, une équipe d'employés de maintenance travaille. Les 2 inconnus leur demandent « Où est Charlie ?» Puis tirent sur l'un d'eux. Il s'appelait Frédéric Boisseau. Il avait 2 fils, il sera la première victime de cette journée. L'un de ses collègues court chercher de l'aide, pendant que l'autre reste avec le blessé. Quelques minutes plus tard, les 2 terroristes sont dans l'escalier qui mène à Charlie Hebdo. Ils tombent sur Corinne Ray, l'une des dessinatrices du journal. Kalachnikov pointé sur elle, il remonte les marches jusqu'au second étage. Elle tape le code du digicode 130610. Il est 11h30, les loups entrent dans Charlie. Immédiatement, il tire sur le webmaster, puis l'un d'entre eux s'engouffre dans le petit couloir qui mène à la salle de rédaction. Franck Brasolaro, en charge de la protection du dessinateur de charme, tombe le premier. Laurent Léger, grand reporter, est là. Il raconte la scène le lendemain sur le plateau d'Envoyé spécial. C'était presque la fin de la réunion. Tout d'un coup, on a entendu quelques pétards, mais on n'a pas bien compris ce qui se passait. Et puis, un homme a surgi dans la salle de réunion. Ça a senti la poudre. Tout d'un coup, il a crié à la haute barre deux fois. Il s'est mis à tirer, comme ça, dans cette petite pièce, dans le tas. Voilà, il a arrosé de balles. J'ai juste eu le temps de me jeter en arrière sous une petite table dans une encoignure. Voilà, j'étais au creux de vidéo là et j'ai vu mes camarades par terre, blessés ou morts, je ne savais pas trop. Ça tirait dans tous les sens et puis après ça, un long silence. S'en suivent d'interminables minutes épouvantables où les deux assaillants vident leurs armes avant de repartir comme ils sont venus. Derrière eux, 11 vies volées et des dizaines fracturées, celles des blessés et des proches des victimes. La 12e victime tombe quelques minutes plus tard, boulevard Richard Lenoir. Il s'appelait Amen Merabbé, il était gardien de la paix au commissariat du 11e arrondissement de Paris. Il était prévenu de l'attaque et s'est rendu sur les lieux, mais il n'a pas pu riposter. Blessé, seul au sol, il est abattu, froidement. Son exécution est filmée par un ingénieur vivant au second étage d'un immeuble du boulevard. Comme un réflexe macabre de notre temps, où il faut voir pour croire, partager pour exister, il publie la vidéo sur son compte Facebook. Ce sera l'une des premières images de cette journée, la première vidéo de l'attaque à être diffusée. À Paris, en plein cœur de la capitale française, un homme est exécuté froidement à la Kalachnikov. L'horreur se propage, puis s'installe à la une des médias. La France bascule dans l'angoisse. Rue Nicolas Appert, au siège de Charlie Hebdo, le choc a figé les personnes présentes lors de l'attaque. Christophe, l'un des policiers en charge de la protection de Charme, était à la boulangerie. Dès les premiers tirs, il s'empresse de retourner au journal. Il sera l'un des premiers sur place à ouvrir la porte du numéro 10. Dans l'entrée, l'agent de maintenance, Frédéric Boisseau, agonise dans les bras de son collègue. Le policier monte alors au second étage, suit l'odeur de poudre. Il compose le code, ouvre la porte. Les locaux sont perdus dans une légère brume et dans le silence. Au sol, du sang et des feuilles de papier. Quelques minutes après, Patrick Peloux arrive. Il découvre les corps de ses amis. L'urgence, pour un temps, prend le pas sur le chagrin. Le médecin effectue les premiers gestes de secours, ausculte les corps et donne ses consignes pour sauver ceux qui peuvent encore être sauvés. En bas de la rue, pompiers, policiers et caméras débarquent dans les petites rues, chaque média étant en édition spéciale. iTélé est la première chaîne à annoncer les tirs au siège de Charlie Hebdo. Toutes les rédactions suivent, envoyant chacune des équipes sur place. Les premiers tweets, premières photos d'impact de balles sur des vitrines et sur des voitures de journalistes sur place sont publiés sur les sites web. Alors que les brancards vont et viennent dans la rue, le parquet donne des premières estimations du nombre de victimes à Charlie Hebdo. 10, puis 11 morts, dont ceux de 2 policiers sont annoncés. Ils seront 12 au final. Vers 12h40, le président de la République est sur place. Malgré les risques, il est là. Il marche au milieu des forces de l'ordre, découvre les premiers éléments du drame et prend la parole. La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, car Je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurerons les menaces et nous punirons les agresseurs. La dernière fois que les assassins ont été vus, c'était dans le 19e arrondissement. Rue de Meaux, ils ont abandonné leur voiture et en ont volé une autre. Aux propriétaires, ils ont juste dit « Al-Qaïda Yémen ». Depuis, les forces de police ont perdu leurs traces. Quand le président prend la parole au milieu de la rue, il connaît le nom des victimes. Nous, de l'autre côté, on espère encore revoir les lunettes rondes de Cabu, la verve insolente de Charles, la barbe blanche d'Honoré, ou le verbe précis et pugnace de Bernard Marie sur les ondes de France Inter. Vers 13h30, la liste macabre s'alourdit du nom des prestigieux dessinateurs et journalistes. 8 noms, 8 membres d'un journal, 8 compagnons de presse sont morts, assassinés à Paris. Entre émotion et information, les voix chavirent. Les journalistes citent les victimes un par un, puis se souviennent de leur vie et de leurs mots. Cabu, Charb, Tignous, Honoré, Volinsky, Bernard Maris, Mustapha Oura, le correcteur du journal, Elsa Kayat, psychanalyste et chroniqueuse. À Charlie Hebdo, il y avait aussi Michel Renaud, journaliste et fondateur d'un festival de carnets de voyage à Clermont-Ferrand, invité. C'était la première fois qu'il venait à Charlie. Alors que le choc des informations se propage, une autre image voit le jour. Un homme, Joachim, âgé de 37 ans, publie un message composé de 3 mots, comme pour rattraper l'horreur et la dépasser. 3 mots sur fond noir pour montrer le deuil. Une image silencieuse avec des lettres blanches et grises qui dit simplement « Je suis Charlie ». Alors partout en France, puis dans le monde, ce hashtag devient le message le plus partagé sur la toile. Au même moment, des rassemblements spontanés se déroulent ici et là. Place de la République, des messages écrits à la craie recouvrent peu à peu le pavé. Les gens y passent, déposent des fleurs et des bougies, se sourient et se rassurent. Place Beauvau, à l'intérieur de la cellule de crise, Bernard Cazeneuve convoque les hauts fonctionnaires du ministère et des grands patrons de la police. Les éléments des différents services remontent. Très vite, l'identité des 2 terroristes est connue. Une carte d'identité a été retrouvée dans la voiture abandonnée. Elle appartient à un certain Saïd Kouachi, né le 7 septembre 1980 à Paris. De lui, les services de police connaissent surtout son frère, shérif, né en 1982, condamné en 2008 pour son appartenance à un réseau de départs djihadistes en Irak entre 2004 et 2006. 2 ans après sa condamnation, en 2010, il a également été mis en examen pour avoir planifié l'évasion d'un islamiste algérien. Un non-lieu lui sera accordé. Surveillé un temps, la DGSI a abandonné la trace des 2 frères depuis plus de 6 mois. La presse devra attendre pour avoir toutes les informations. En fin de journée, le procureur de la République, François Molin, confirme les heures et le déroulé de la tuerie de Charlie Hebdo, mais il refuse de donner des informations qui pourraient compromettre l'enquête. Informer, rassurer, sans dévoiler les éléments importants qui pourraient ralentir la traque. La presse, elle, est ballottée entre sa logique, qui la pousse à informer, coûte que coûte, et le devoir de réserve, pour garantir la bonne marche de l'enquête. Après l'allocution du président de la République, à 20h, quelques journaux annoncent qu'une opération est en cours à Reims. À 20h42, sur les réseaux sociaux, la carte d'identité de Saïd Kouachi est publiée. 40 minutes plus tard, Metro News donne les prénoms des 2 individus, mais le nom de famille se limite à une lettre, K. À 22h, le journal Le Point brise l'embargo. Saïf et Shérif Kouachi sont désormais connus du monde entier. Alors que certains médias dévoilent le nom des 2 monstres, Bernard Cazeneuve lui fait le tour des grands médias pour appeler le soutien à la profession touchée, mais aussi pour demander de la retenue jusqu'à la fin de la traque. Vers 23h40, c'est dans les locaux de Radio France qu'il discute avec Thierry Guimier, patron de France Info. On essaye d'être responsable aussi, hein. On a donné, on parle d'une opération depuis une dizaine de minutes, depuis qu'on a une confirmation officielle. Mm-hmm. Point. Enfin voilà, c'est les tensions évidemment qui existent au sein des rédactions. Hein, non, mais de dire, d'attendre. Moi je ne fais pas de commentaires sur ces sujets et je demande de me comprendre. C'est pas une volonté de me compliquer la tâche. L'efficacité du but, une volonté de ne pas compliquer la mienne, ce qui est humainement compréhensible. Ah, on comprend. Et de ne pas non plus vous conduire à dire des choses fausses. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Quelques minutes après, ce soir-là, sous les projecteurs de caméras de télé, les membres du RAID perquisitionnent l'une des adresses connues de Saïd Kouachi. Rien. Il n'était pas là, mais comment aurait-il pu l'être avec autant de projecteurs et de policiers depuis le drame? Le ministre demande des explications à ses services sur cette opération et ses fuites. La colère est froide, mais réelle. Il refuse une guerre des services en ces jours dramatiques. Désormais, tous devront collaborer et travailler ensemble pour mettre fin à l'échappée des deux terroristes. Place de la République, les derniers badauds rallument les bougies avant d'aller dormir. Ce soir-là, un message bricolé par une bande d'amis composée de lettres lumineuses où l'on peut lire « Not afraid » éclaire la foule. Paris se relève un peu. 8 janvier 2015 au matin, les journaux semblent hésiter entre hommage et angoisse, entre portraits de disparus et images des deux frères Kouachi, Kalachnikov en main. Le Premier ministre, Manuel Valls, est à France Inter, invité de la matinale. Alors que le journal débute, à Montrouge, une jeune fille de 26 ans, Clarissa Jean-Philippe, s'écroule sous les balles. Elle était là avec un collègue pour sécuriser l'avenue Pierre Brossolette où un accident a eu lieu. Un homme, capuche sur la tête, là-bas, sans raison. Un autre policier tente de le désarmer. L'individu sort une autre arme, l'assomme d'un coup de crosse, le vise, met son arme à son oreille. Il s'en va ensuite à petite foulée. Il laisse derrière lui une cagoule. Place Beauvau, à cette heure-là, on annonce les différents événements de la nuit, agressions, actes islamophobes, comme la fusillade de Montrouge. Pour endiguer l'effet de panique d'une telle nouvelle, le ministre de l'Intérieur décide d'aller sur place. Entre les sirènes des ambulances, il s'avance et il annonce que des policiers sont blessés, dont une gravement. Il salue le travail des forces de l'ordre, durement touchées depuis mercredi, et demande à tous, dont les médias, d'être responsables. Reste cette question angoissante. Pourquoi cette policière a-t-elle été abattue? L'homme visait-il l'école juive qui se trouvait à proximité? Les Kouachi sont-ils seuls ou ont-ils des complices? À ces questions, le ministre ne répond pas. Ce 8 janvier à midi, la France est tue pendant une minute. Une heure plus tard, au ministère de l'Intérieur, le ministre et ses collaborateurs apprennent qu'un braquage a eu lieu le matin même à hauteur de Villers-Cotterêts. Deux hommes, cagoule sur la tête et Kalachnikov dans le dos, ont braqué une station-service. Les Kouachi? Dans le fumoir, l'une des cellules de crise, la confirmation arrive, comme le raconte cet homme dans le documentaire de Serge Moatti, le ministère de l'Intérieur au cœur de la crise. Ce sont bien les deux de Charlie Hebdo qui ont été vus à 12h15 dans un magasin, dans une station-service, dans laquelle ils sont rentrés pour chercher à bouffer. Il n'y avait pas d'argent, ils sont rentrés là-dedans armés, ils ont pris la nourriture, ils sont partis. Avec la Kalachnikov en bandoulière. Et on est sûr que c'est tout. Enfin, on est au moins certain qu'ils ne se cachent plus. Dans le fumoir de la place Beauvau, toutes les unités du ministère de l'Intérieur sont là, en contact avec tous les services. Le plan épervier est déclenché. L'une des traques les plus importantes de l'histoire de la police s'organise. GIGN et RAID font désormais cause commune. Il va faire bouger toutes les forces police à Beaurepaire à 14h15. 14h15. D'accord. Ok. D'accord. En gros, ça fait la P213 est là. Oui. D'accord. Le triangle en question fouille comme ceci. Oui. Ici, c'est RAID. Ici, oui. C'est GI. Ok. L'axe de séparation, c'est la D973. D'accord. D'accord. Et l'idée, c'est de partir d'ici d'est, ratisser en ouest. À Montrouge, l'enquête avance à grands pas. Elle est confiée à une commissaire du service départemental de la police judiciaire des Hauts-de-Seine. À part la cagoule, dont l'analyse est en cours, elle ne dispose que des premiers procès-verbaux et d'un signalement. Il s'agit d'un homme de couleur noire, la trentaine. Par chance, la commissaire a passé quelques années à la section antiterroriste de la PJ, où elle a travaillé sur la tentative d'évasion d'un terroriste algérien dans laquelle le nom de Chérif Kouachi avait été cité. Durant cette enquête, deux hommes de peau noire avaient également été interrogés et inculpés. L'un est toujours en prison, L'autre s'appelle Hamedi Coulibaly, jeune Français au parcours judiciaire déjà bien rempli. C'est en détention qu'il rencontre Jamel Begal, une figure du djihadisme francophone arrêtée en 2001 pour un projet d'attentat contre l'ambassade américaine à Paris. En 2010, les noms de Chérif Kouachi et d'Hamedi Coulibaly sont cités dans l'affaire du projet d'évasion de l'ancien artificier des attentats de 95. Si Chérif Kouachi obtient un non-lieu, Coulibaly, lui, est jugé et incarcéré. Il sort de prison en mars 2014. Malgré ces éléments, Hamedi Coulibaly n'a jamais été considéré par la DGSI comme un membre de la mouvance islamiste radicale. Et puis, concernant les Kouachi, la surveillance poussée de la DCRI de la DGSE s'est interrompue il y a plusieurs mois. Pour l'instant, ces premiers liens ne s'ébruitent pas. En fin de journée de ce 8 janvier, lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur affirme qu'aucun lien entre les deux drames n'est confirmé. Quelques heures plus tard, l'ADN sur la cagoule confirme l'intuition de la commissaire. L'assassin de Montrouge est bien Hamedi Coulibaly et il connaît les Kouachi. Ce jour-là, alors que toutes les polices de France sont à leur recherche, Coulibaly se filme portant tunique et foulard devant un mur blanc où le drapeau de l'organisation État islamique est scotché. Il annonce ses intentions, ses liens avec les Kouachi et se revendique de Daesh. Demain, il frappera de nouveau. Au soir de ce second jour de traque sur la place de la République, comme au siège de Charlie Hebdo, on rallume les bougies et on dépose de nouvelles fleurs. Dans les salons du pouvoir, on entame une seconde nuit blanche. Vendredi 9 janvier, 8h30, le téléphone de Bernard Cazeneuve vibre. Un message lui apprend le carjacking à Montagny-Sainte-Félicité. Les deux frères sont toujours en Picardie. À l'aube, ils ont quitté la forêt de Ray, volé une nouvelle voiture, puis sont repartis. Aux abords de la petite ville de Dammartin en Gouëlle, ils bifurquent et s'arrêtent sur le parking d'une imprimerie. À l'intérieur, deux hommes travaillent. Michel Calatano et son jeune employé, Lilian Lepère. Quelqu'un sonne. Comme par réflexe, Michel, le gérant, jette un coup d'œil par la baie vitrée. C'est là qu'il voit un homme avec un fusil et un lance-roquettes. Immédiatement, il demande à son jeune employé d'aller se cacher et de se taire. Il ouvre la porte aux deux hommes, les accueille. Calme, comme les deux terroristes d'ailleurs, il fait ce que les deux hommes demandent. Il écoute leurs paroles, leurs prêches. Ils lui parlent d'Al-Qaïda Yémen, promettent de ne tuer ni civils ni femmes. À la question « Êtes-vous seul ?», le patron de l'imprimerie répond « Oui ». Puis la sonnette retentit de nouveau. Un homme est à la porte. La suite, c'est ce témoin qui la raconte sur France Info, quelques heures plus tard. Lorsque je suis arrivé, mon client est sorti avec une personne armée qui s'est présentée de la police. Mon client m'a demandé de partir, donc je suis parti. Et la personne qui s'était présentée comme étant de la police m'a dit bah, « Écoutez, partez, de toute façon, on ne tue pas les civils. » Ce qui m'a énormément interpellé et j'ai décidé dans la foulée d'appeler la police. Dans quel état êtes-vous ? Vous avez croisé les terroristes ? J'ai croisé un des terroristes et je lui ai serré la main pour lui dire bonjour. Et je pense que je vais aller voir mes collègues et jouer au loto. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance, on attend. L'homme s'en va, sain et sauf. À l'intérieur de l'imprimerie, les frères Kouachi savent la fin proche. L'espèrent-ils ? En tout cas, ce sont eux qui demandent au gérant d'appeler la police pour la prévenir. À 9h moins le quart, la première voiture de gendarmerie arrive sur les lieux. Les frères se montrent, tirent. En retour, Chérif Kouachi est touché. Les deux malfaiteurs se replient. Très vite, l'imprimerie est quadrillée. À l'intérieur, le gérant soigne la blessure de Chérif, puis les deux frères le laissent partir. Michel laisse derrière lui son jeune employé. Avouer qu'il est là, c'est peut-être le condamné, alors il ne dit rien et il espère. Lilian, lui, ne sait rien, il est sous un évier plié en quatre derrière des cartons, il attend. Dehors, la ville est assiégée, école fermée, route barrée, hélicoptères, des centaines de policiers, de gendarmes, de membres d'unités spéciales et bientôt des caméras et quarts régis du monde entier sont là. S'agit-il des Kouachi ? Pour en savoir plus, certaines rédactions appellent directement l'imprimerie. C'est le cas de BFM TV. Au bout du fil, c'est l'un des frères Kouachi qui répond. Ils confirment leur présence, tous les deux, sur les lieux, leur lien avec Al-Qaïda Yémen, parlent des interventions de la France en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Puis, Il raccroche. La conversation dure 3 minutes, mais elle n'est pas diffusée. Ce sera le premier contact avec les frères Kouachi avant même que le négociateur du GIGN ne tente de les appeler. En quelques minutes, Dammartin Angouël devient la ville la plus célèbre de France. Tous les journaux de la mi-journée ouvrent leurs éditions sur cette localité et sur des images lointaines filmées des champs alentours où l'on voit un grand bâtiment entouré par les forces de l'ordre. Mais une question reste en suspens. S'agit-il d'une prise d'otage? Et si oui, combien sont-ils à l'intérieur de l'imprimerie? À cette question hautement sensible, un député UMP arrivé sur place, Yves Albarello, confirme à plusieurs médias qu'une personne est retenue à l'intérieur. À 13h, dans l'édition spéciale du JT de France 2, c'est Élise Lucet qui s'entretient au téléphone avec une jeune fille qui affirme être sans nouvelles de son frère, qui travaille justement dans l'imprimerie. Je n'ai aucune nouvelle de mon frère depuis ce matin. Je sais qu'il est parti travailler et c'est tout. Voilà. Qui est votre frère? C'est Lilian le père. D'accord. Et il travaille donc dans cette entreprise. C'est bien lui qui s'occupe de la direction artistique, de tout ce qui se passe dans cette entreprise. Il me semble. Ce n'est pas le patron, mais il y travaille, oui, en tant que salarié. Ouais. Vous avez tenté de le joindre à plusieurs reprises. Il ne répond pas? Non. Non, non, il répond pas, il répond à rien, donc voilà, et on a arrêté de l'appeler pour pas que si jamais il est caché ou quoi que ce soit, ça perturbe sa planque bien ou je sûr, ne sais quoi. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, si votre frère vous entend, je ne sais pas, qu'avez-vous envie de lui dire? Que je l'aime, qu'il soit fort et qu'on est là, de toute façon, qu'il sera jamais seul. Par chance, les frères Kouachi ne le savent pas et surtout ils n'écoutent pas ces confidences dangereuses. Lian, lui, est toujours sain et sauf, bien caché. Et pourquoi est-ce aussi long? Il ne le sait pas, mais à Paris, un autre drame va ralentir sa libération. Porte de Vincennes, dans un magasin hypercachère, vers 13h, des premiers coups de feu se font entendre. Un homme habillé en tenue militaire, une petite caméra sur le torse, vient de faire irruption, arme à la main. Il tire sans sommation sur un employé de 20 ans, Johan Cohen. Le jeune homme est la première victime de ce 9 janvier. L'assaillant sort ensuite une seconde arme et se dirige vers les clients au fond du magasin. Pour quelle raison? Par quelle folie? Il attrape un amateur, lui demande son prénom, son nom, lequel lui répond Philippe. Oui, Philippe Bram. Nouveau tir, nouvelle victime. Un homme tente ensuite de s'enfuir. Il est blessé d'une balle. La troisième victime est François-Michel Saada. Il n'a pas entendu les tirs. Il entre, alors que le rideau se baisse, et il tombe sur Koulibaly, se retourne, le terroriste l'exécute d'une rafale dans le dos. En quelques minutes, 2 morts, une victime qui agonise, et des dizaines d'autres victimes potentielles enfermées dans un huis clos insoutenable. Ce que le pouvoir et les forces de police redoutaient vient d'arriver. 2 équipes, 2 attaques simultanées. C'est Bernard Cazeneuve qui l'annonce au président en personne. Au ministère de l'Intérieur, tous savent déjà qu'il ne peut s'agir que d'Amedi Koulibaly, l'assassin présumé de la policière de Montrouge. Pour la première fois, les forces spéciales vont devoir agir sur 2 prises d'otages à 2 endroits différents. Les Français, eux, retiennent leur souffle à la maison, au bureau ou au café, tous devant une télévision, tous attendent le dénouement. Dans l'épicerie, Koulibaly demande à l'une des caissières d'aller chercher les clients qui se sont réfugiés au sous-sol. Parmi eux, il y a cet employé, Lassana Batili, un jeune malien de confession musulmane qui travaille dans l'épicerie. Dès les premiers tirs, il a ouvert les chambres froides et a éteint le système frigorifique afin que les otages puissent se cacher. La caissière leur demande de remonter, ils refusent. Ils hésitent. Doivent-ils monter? Doivent-ils attendre? En bas, le jeune malien propose aux clients de passer par le monte-charge pour prendre la fuite. Les clients s'interrogent, tergiversent, mais le temps presse. Ils refusent. Lassana tente alors sa chance, seul. À 13h18, il est dans la rue. Là, des policiers l'attendent, le plaquent, le menottent, puis l'écoutent. Il raconte tout ce qu'il sait sur le bâtiment, le nombre d'otages, la situation. Parmi les otages du sous-sol, il y a Yoav Attab. C'est l'un des héros de ce huis clos. Il est remonté sur ordre de Koulibaly, qui ne tient son pouvoir que de sa kalachnikov. Il a 21 ans, juif, originaire de Tunisie, la vie devant lui. Pourtant, il tente un geste héroïque et désespéré. Il voit en effet qu'une arme est à portée de main. Alors il la prend, tente de tirer, mais l'arme s'enraye. Koulibaly l'exécute d'une balle dans la tête. Dans ce huis clos tragique, il y a des morts au sol, des otages proscrits et un terroriste qui allume son ordinateur pour suivre les événements. À la télévision, les images de Vincennes et de Dammartin Angouël se succèdent. En attendant le dénouement, la presse diffuse le témoignage de personnes aux abords de l'hypercacheur. Parmi elles, un homme qui travaille chez le traiteur qui se situe juste à côté de l'épicerie cachère. Alors racontez-moi ce à quoi vous avez assisté ce matin, parce que vous êtes juste à côté de cette... On est en train de servir normalement et d'un coup on a entendu plein de coups de fil, de coups de feu. Oui. Et voilà, tous les gens ont couru de partout, on n'a pas vu d'individus tirer, mais ça a tiré dans tous les sens. Et le peu de gens qu'on pouvait faire rentrer à l'intérieur, on les a fait rentrer avec en fermant la porte de l'extérieur. Attends, on attend, on espère que la police va nous évacuer. Voilà. Est-ce que vous avez vu... Non, on sort pas, madame. C'est pas moi, c'est la dame qui voulait ouvrir. Une dame voulait ouvrir et sortir. Allez vous mouiller en bas. Oui, on sent qu'il y a une grande tension autour de vous. Voilà. Juste, est-ce que vous avez quoi que ce soit concernant la prise d'otage ou pas, Jean-Jacques? On ne sait pas du tout. On n'a aucun contact à côté, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. À l'Élysée, le président s'interroge. Il doit prendre l'une des décisions sans doute les plus importantes de son quinquennat. Doit-il donner le feu vert pour l'assaut? Il interroge ses ministres, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, qui pensent, comme lui en fait, oui, il faut donner l'assaut. Ce sera fait à 17h, à Dammartin Angouël et Porte de Vincennes. Mais peu avant l'heure fatidique, les frères Kouachi sortent de l'imprimerie, armes à la main. Ils sont tués sur le coup. Quelques minutes plus tard, l'assaut est donné, Porte de Vincennes. Koulibaly est neutralisé. Les otages sont libérés, comme Lilian, le jeune employé caché sous un évier dans l'imprimerie de Dammartin Angouël. Ils sont désormais du côté des survivants, comme ceux de Charlie, comme les collègues d'Ahmed et de Clarissa. Oui, désormais, ils devront vivre avec le souvenir des 17 disparus, de ces jours d'angoisse où l'on a entendu dans les rues de Paris le son des armes de guerre. 10 mois plus tard, ces bruits sont revenus sur la terrasse de café, aux abords d'un stade et dans une salle de concert. Une nouvelle fois, la place de la République s'est illuminée de bougies, de portraits, de chants et de mots écrits à la craie. Des mots et des dessins pour pleurer les morts et résister et réparer les vivants, pour reprendre la formule de François Hollande dans son discours après les attentats de novembre dernier. De la vie, je marche ma douleur et je marche Charlie. Je ris et je pleure, c'est l'âme de silence pour libérer nos cœurs, pour apaiser ma France dans mes bras grande sœur. Arroser nos âmes. Nous avons vu pousser dans le cœur de Paname des fleurs d'éternité pour célébrer toujours l'humour en liberté. On a senti l'amour dans l'air, le vent siffler. Je suis tué, il est nous sommes à l'unisson comme un slam dans mes pensées, comme un cri dans la ville, un bout portant dans nos cœurs fragiles. Crayon à la main, des idées qui résonnent, des mille et un dessins n'ont jamais tué personne. Pour vous les oiseaux rares, et pour vos grandes plumes, et pour l'humour de l'art, dans vos rires posthumes. Je suis tué, il est nous sommes, à l'unisson, comme un slam, dans mes pensées, dans mon lit, dans mon siège. Ta liberté étincelle. Jolie, jolie, jolie. dessine-moi une guitare, mets-lui de grandes ailes, caricature pour moi, ce solo immortel. De mon cœur, je marche dans ma vie, et Paris marche et pleure entre soleil et pluie. Ses yeux pleins de silence, on les connaît par cœur. La vie est une danse, une valse grande sœur. Je suis du il est nous sommes à l'unisson, comme un seul homme. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les attentats de janvier 2015. Notre invité, Patrick Peloux. Bonjour, Patrick. Bonjour. On connaît votre histoire avec Charlie Hebdo, dont vous étiez chroniqueur, et vous avez eu à raconter tant de fois cette épouvantable matinée du 7 janvier 2015. Vous n'étiez pas dans les locaux de Charlie quand les terroristes ont fait irruption, mais vous êtes arrivé juste après, vous avez donné l'alerte et vous avez découvert l'horreur. Je vous dis qu'à chaque Noël, vous devez penser que quelques jours après vous, il y aura un anniversaire qui est difficile à vivre. Oui, c'est difficile à vivre parce que, d'autant que je ne suis plus à Charlie Hebdo, donc on ne sait plus tellement où est notre place. C'est difficile parce qu'il y a le souvenir et votre excellente émission là qui vient d'être diffusée ravive tellement de souvenirs épouvantables parce que j'étais, en plus de ça, coincé entre la terreur de voir mes amis tués ou blessés, et puis cette terreur, et puis en même temps ma fonction d'urgentiste au SAMU de Paris qui faisait que j'avais des informations me demandant si je pouvais venir travailler pour les autres attentats. C'était très compliqué cette époque. Ouh là là. Ça vous manque, les conférences de rédaction? Ah, totalement. Non, mais ce qui me manque, si tu veux, c'est comme ça, c'est le drame est passé par là. C'est l'amitié, c'est notamment Charles, c'était comme un frère. Donc, du coup, les conférences de rédaction, toutes les âneries et ce qu'on pouvait faire, toute la création qu'on faisait, c'était merveilleux. C'est de toute façon, le rire est philosophique. Donc, c'était merveilleux, c'était un bonheur et ça me manque beaucoup. Oui, même si là, maintenant, je travaille à Ciné Mensuel, mais il y a des conférences une fois par mois. Donc, c'était différent, mais c'était merveilleux. J'ai assisté à une conférence de même de rédaction chez Charlie Hebdo et je peux témoigner qu'il y avait effectivement cet esprit créatif. Vous étiez un frère, un ami très très proche de Charb, Stéphane. Oui. Stéphane, oui, Stéphane pour les intimes. L'antenne de France Inter est un espace public, on n'est pas entre soi, mais quand même, faire une petite exception, vous me l'avez présenté, il est devenu un copain, grâce à vous, et je me souviens de certains épisodes et de cette ironie qu'il transportait en bandoulière. Il aimait d'ailleurs être chambré aussi. Ah bah oui, et puis c'était un peu comme faisait Cabu ou Tinius, en fait, il dessinait tout le temps, quoi. Donc partout où on passait, il laissait des dessins. C'était sa marque, voilà. C'était drôle, ouais. Oui. Je me souviens d'une escapade jusqu'à Orléans pour aller soutenir notre ami et l'ami des auditeurs de France Inter, François Morel, qui faisait le bourgeois gentilhomme. Bourgeois gentilhomme. Et la première avait eu lieu on s'était tous cotisés pour louer un bus. Et il y avait Charles. Et il y avait Charles. Notamment, et tant d'autres de Charlie Hebdo. Alors, c'était très drôle. Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2011, Charlie, rappelons-le, était victime d'un incendie criminel. Un sérieux avertissement. Alors, ce qui est facile à dire maintenant qu'on sait ce qui s'est passé en janvier 2015, mais c'était un avertissement. Et d'ailleurs, on va écouter la voix de Charme, on va écouter sa déclaration, sa réaction le 3 novembre, donc le matin qui a suivi la nuit de l'incendie. Charlie Hebdo, c'était pour déconner. Là, c'est pas pour déconner. Et on a l'impression que c'est la première charia qui est appliquée. Vous vous trouvez devant donc les locaux de la rédaction dans le 20e arrondissement. Visiblement, les dégâts sont énormes. Bah, les dégâts sont énormes, c'est impressionnant comme ça, mais le plus emmerdant, c'est que c'est les ordinateurs qui ont cramé et tout ce qui nous sert à faire le journal a cramé. Donc il va falloir qu'on trouve dans l'urgence des locaux et du matériel pour sortir la semaine prochaine, parce qu'il n'est pas question qu'on ne sorte pas la semaine prochaine. Charb, il est assez difficile de ne pas faire le lien ce matin avec ce numéro spécial que vous sortez aujourd'hui après les élections en Tunisie, que vous avez intitulé Charia Hebdo. Vous aviez eu des menaces? On avait reçu, oui, des menaces après l'annonce de la sortie du journal, mais personne n'a vu ce journal. Les incendiaires n'ont pas lu ce journal. Personne ne sait ce qu'il y a dans ce journal, à part ceux qui l'achèteront ce matin. Mais sinon, les gens ont réagi violemment sur un journal dont ils ignorent totalement le contenu. C'est ça qui est le plus aberrant et le plus débile, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire, Patrick Pelou? Oh là là. Ça m'inspire plein de choses, mais c'est toujours difficile de entendre sa voix, quoi, parce que j'y étais, on s'était, mais c'est voilà, quoi, c'est compliqué. Question suivante. Bien. Alors, le procès de ces terroristes, des complices, en fait, va s'ouvrir le 4 mai, se terminer le 10 juillet. Donc, il jugera les complices des attentats de janvier et du 13 novembre. Ces gens sont soupçonnés d'avoir aidé à des degrés divers les frères Kouachi, par exemple, tués après l'attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Ainsi, Kamedi Koulibaly, meurtrier d'une jeune policière le 8 janvier, de 4 personnes dans l'épicerie hypercachère le 9 janvier. Qu'attendez-vous de ce procès? J'attends, évidemment, ceux qui ont tué ont été tués, et je trouve que c'est bien, mais le truc, c'est de comprendre que ces terroristes, en fait, avaient toute une logistique et un fonctionnement qu'il faut comprendre. Il faut que la justice comprenne et mette l'ensemble des responsabilités sur ceux qui ont finalement fourni les armes, fourni la voiture, fourni la logistique. C'est ça qu'il faut analyser, de manière à ce que, en fait, cette compréhension pour les services de police, les services de renseignement permettent, s'ils parlent, parce que vous avez Abdeslam, après les attentats de novembre 2015, qui se mure dans le silence, mais que ça aide, en fait, pour prévenir les attentats, comprendre aussi comment ces personnes se sont radicalisées jusqu'à se dire qu'ils n'ont à la fois plus de place dans la société que celle de faire la terreur et de tuer tout le monde. C'est ces choses-là que moi j'attends du procès. Oui. Marie Zwolinski, veuve du célèbre dessinateur, décrit la vie d'après, parce qu'on va arriver dans la vie d'après, ouais. Comme n'ayant ni couleur ni saveur, et pose de nouveau certaines questions nées après l'attentat. Pourquoi la surveillance de Charlie Hebdo, journal satirique menacé 50 fois par jour, a-t-elle été supprimée fin novembre 2014? Est-ce que c'est pour faire des économies? Est-ce que c'est pour protéger les policiers, secret défense? Dit-elle la veuve de Cabu. Maintenant, Véronique Cabu rend hommage à nos victimes et remercie l'équipe actuelle de continuer chaque semaine ce sport de combat pour la liberté d'expression. Donc, il y a eu effectivement la tristesse, le désespoir, l'horreur, le drame, il y a encore de la colère. Est-ce que c'est un sentiment qui vous anime encore, vous aussi? Il y a de la colère, parce que moi, c'est cette montée de l'islam radical, de l'islam politique en France, de cette remise en cause de la laïcité partout, de ces reculs des services publics un petit peu partout qui font que la République est moins présente. Ah bon sang, bonsoir, c'est ça ma colère, elle est là. En fait, j'ai une colère qui est une colère très profonde sur ce que devient notre société, sur ce que devient les moyens donnés aux services publics qui font le lien entre tout un chacun. Et comment se fait-il que des jeunes qui sont français, avec des origines diverses et variées, se disent bah voilà, ma seule espérance en 2019-2020, c'est finalement de tuer des personnes. C'est terrible. On a l'impression que la non-violence, c'est quelque chose du passé qui n'existe pas. Et c'est terrible de voir cette violence actuellement. C'est là en fait ma colère. En fait, je la canalise sur je pense qu'on doit tous être vraiment unis sur les valeurs de la République, de la laïcité, du vivre ensemble, de l'antiracisme et contre toute forme de violence. Voilà, c'est ça je crois qu'il faut porter. Est-ce que vous avez l'impression, comme certains observateurs, les plus pessimistes ou peut-être les plus lucides, qu'on vit dans une sorte de balancier réactionnaire dans lequel le fait religieux reprend des couleurs jusqu'au pire, parce que pas toujours. Non, non, je comprends bien. J'ai pas cette analyse. Je pense qu'en fait, l'islam radical veut une conquête en Occident, notamment par les frères musulmans et notamment par les pensées qu'il y a à partir de l'Égypte, par exemple. Donc ils veulent une conquête. Bon, ils veulent appliquer des lois qui sont des lois moyenâgeuses. On entendait Charles parler de la charia, mais en fait on sait que c'est ça. On sait que là ils vont aller à la conquête avec le parti islamiste. Ils vont essayer de conquérir des communes ou municipales. Bon voilà, c'est assez bizarre de se dire qu'on est en 2021 et qu'en fait, il y a des gens pour qui le seul espoir, c'est la religion. Et là, je pense qu'on retombe sur un vrai débat politique, c'est qu'en fait, il y a une crise sociale monstrueuse. Et en fait, la crise sociale, la violence, la délinquance, eh ben, c'est le terreau, en fait, à tomber dans un radicalisme religieux. Votre livre, donc le second livre qui raconte les derniers jours des grands hommes, hein, qui vient de paraître, qui s'appelle alors les derniers jours des grands hommes, comme le premier en 2013, le titre, le gros titre, c'est mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Ouais, Charles justement avait repris. Le lien, on est vraiment tenté d'établir le lien. Voilà, parce qu'en fait il avait dit cette phrase à l'émission On n'est pas couché après cet attentat en 2011, le premier attentat. Et en fait, je l'ai reprise pour. Et en fait, c'est une phrase. La phrase originale, elle vient de Zapata, en fait. Voilà. D'accord. Ouais. Elle revient de Zapata. Après, elle a été reprise pendant la Seconde Guerre mondiale par des résistantes, des femmes résistantes, en fait. Ouais. Avec vous, il est évidemment question de reconstruction, de résilience, même la définition de résilience. Je l'ai revue ce matin, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Capacité d'un individu ou d'un groupe à surmonter de très grandes difficultés. Quel sens donnez-vous à ces mots à partir de votre expérience personnelle? Ouais, alors c'est la résilience, c'est Boris Cyrulnik qui a lancé cette théorie, ce thème qui est tout à fait honorable. Je crois pas qu'on peut la définir comme ça, parce qu'en fait on vit avec. C'est apprendre à embrasser sa douleur et son traumatisme pour finalement vivre avec. Vous vivez avec. En fait, c'est une continuité tout ça. C'est une continuité, mais vous vivez avec. Et c'est souvent très compliqué. Et en effet, la nouvelle équipe qui constitue Charlie Hebdo, tant mieux. Il faut continuer. Il faut qu'on continue. C'est pour ça que quand d'un coup les propriétaires du Bataclan m'avaient appelé en me disant mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut rouvrir la salle? Moi, j'avais dit mais bien sûr on va rouvrir la salle, mais on va vous aider à rouvrir la salle avec les familles des victimes, avec les victimes. Donc on avait fait ça en 3 temps, à l'abri des journalistes et des médias. On avait rouvert, on avait parlé avec eux, on avait monté grâce à Didier Créminter qui était le responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris. On avait mis plein de psychiatres, de psychologues, et on avait rouvert. Il faut continuer parce que la République ne tombera pas parce que des terroristes ont décidé d'assassiner. Voilà, on vit dans le recueillement et demain, c'est formidable de faire les commémorations et de se souvenir non seulement des victimes de Charlie Hebdo, mais aussi de Clarisse Jean-Philippe qui a été assassinée à Montrouge et des victimes de l'hypercachère qui était un attentat antisémite. D'accord, faut se souvenir de tout le monde. C'est ça qu'il faut porter. Et en même temps, faut continuer parce que, putain, on a un beau pays, quoi. Alors, vous expliquez que vivre avec ça, c'est vivre avec une blessure, voilà, on l'a en soi, faut pas qu'elle empêche de vivre. Mais comment vous avez réagi le 13 novembre, sorte de sur-blessure, de sur-infection? J'ai réagi en allant travailler, en fait. Parce que je crois beaucoup à la vertu du travail quand on en a. Et en fait, je suis allé travailler, je suis allé à la régulation et j'ai régulé, c'est-à-dire j'étais au poste de commandant du SAMU et en fait, on a dirigé les secours à distance. Je me sentais pas encore suffisamment armé pour aller sur le théâtre de la fusillade. Mais maintenant, ça m'est déjà arrivé et ça tient. Donc d'un coup, faut travailler. C'était l'organisation des secours. Mais c'est vrai que par rapport à cette résilience, faut pas s'interdire des choses. Vous voyez, dans ce dernier bouquin, j'ai traité de la mort du prophète Mahomet. C'est le chapitre qui a fait le plus peur à mon éditeur, en fait. Voilà. Et évidemment, j'ai mis comme un pied de nez. Robert Laffont, j'ai pas cité. Ouais. Et le dernier chapitre, je parle de Charb. Ce qui m'amusait, c'était de raconter la mort du prophète et de raconter la vie de Charb. Donc voilà. La mort du prophète et la vie de Charb. Voilà. J'ai bien entendu. Leur vie après Charlie. Alors, on va pas passer en revue tous les survivants. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux noms. Zineb El-Razoui. Zineb El-Razoui. Oui, Zineb, elle faisait partie du journal, elle n'était pas là le jour de l'attentat. Elle est dans l'action. Mais, voilà, elle est dans l'action pour défendre la laïcité, coûte que coûte, et combattre l'islam et la montée de l'islam, parce qu'elle le connaît, parce qu'elle est d'origine marocaine. Et donc, nous avons quelques idées pour défendre la laïcité et ne pas se laisser faire sur, finalement, à la fois la banalisation des actes terroristes et de poser des mots sur, sur ce qui est, tout en étant, évidemment, dans le combattre le racisme. Parce que c'est un peu facile de dire, parce que vous êtes critique sur l'islam, vous êtes raciste, mais pas du tout. Et l'islamophobie n'existe pas. Elisabeth Banater l'a dit à plusieurs reprises dans vos émissions sur Inter, et elle a raison, elle a raison. C'est marrant comme maintenant, c'est toujours très facile de critiquer, ce que je comprends, parce que les religions doivent accepter la critique, on est bien d'accord, mais c'est toujours facile de critiquer les catholiques, mais maintenant, dès que vous dites le mot islam, tout le monde a peur. Faut pas avoir peur, et c'est pas du racisme. Et je vous signale juste que le terrorisme islamique, les plus grandes morts qu'ils font à travers le monde, ce sont des musulmans. Mmh. Oui, absolument. Philippe Lançon, comment va Philippe Lançon, dont la lecture, une lecture la plus saisissante qui m'a été donnée de le lire. C'est incroyable, une lecture. Ah, bon, moi, j'ai pas pu le lire parce que, ouais. Voilà, j'ai une adoration pour Philippe Lançon. Alors, comment va-t-il? Bah, il va comme on peut. Je le vois trop rarement, évidemment, parce que, c'est marrant parce que on se voit tous très peu, mais alors, quand on se voit, il y a une espèce de côté famille. Il y a un lien. On comprend. Il y a certains, on s'aime plus que d'autres, mais c'est la vérité. Mais en gros, il y a une adoration. Et Philippe Lançon a fait un très beau livre. Il est dans l'écriture. C'est un très grand auteur, un très grand écrivain. Il abreuve de ses connaissances la littérature française, et ça c'est formidable. Comment avez-vous réagi vendredi dernier lors de l'attaque au couteau perpétrée à Vesoul? C'est terrible parce que vous savez que la victime en plus était l'éclairagiste du chanteur Benabar. Que vous connaissez bien. Que je connais bien, oui. Et ça fait beaucoup de peine parce que j'avais déjà croisé cet homme. Voilà, c'est encore un attentat islamiste. Voilà. Alors évidemment, comme d'habitude, la police essaye de dire qu'il était fou. Mais tout le monde est fou à ce moment-là. Ouais. Vous prenez toutes les histoires des dictateurs, vous dites qu'ils sont fous, et comme ça, vous parlez plus de la dictature. Non, c'est un vrai problème. Et puis, vous avez bien sûr l'attentat de la préfecture de police de Paris, qui est quelque chose qui a résonné comme un Big Bang, parce que le centre, l'antre, n'est-ce pas, de la sécurité en France, c'est bien la préfecture de police de Paris, et vous apercevez que dans leur sein, vous aviez quelqu'un de radicalisé. C'est vraiment une interpellation, c'est pas une accusation, c'est une interpellation au pouvoir public pour dire, attendez, ne rigolez pas avec la sécurité, et justement avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les racines du mal. Patrick Pelloux, c'est totalement hors sujet, mais puisque vous êtes là, vous portez une parole importante, c'est celle de la situation urgente, si j'ose dire, des urgences. On est en train de crever, vous avez dit ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, actuellement, la conversation qu'il y a dans les hôpitaux, c'est plus de savoir si on s'en va, mais savoir quand on s'en va. Je pense que le gouvernement a pas bien compris la situation actuelle dans tous les pans du système hospitalier, tant médical, chirurgical que psychiatrique. Et on est en très grande souffrance. Et les mesures qui ont été prises, je ferais trop long si je vous en parlais, mais ne sont pas bonnes. Et on n'écoute pas suffisamment la souffrance des personnels. Et je pense notamment aux infirmières, aux aides-soignants, aux manip radio, qui sont sous-payés. Hein, ça, c'est sûr. Et puis l'hôpital public est laissé à son sort. C'est ce que la médecine de ville pourrait pas, ou une autre médecine. Enfin, mais non, ils sont déjà débordés. Ce qu'ils disent, ouais. À chaque fois, on sort la tarte à la crème en disant, mais il faut que la ville fasse le boulot. Mais tout le monde. Pardon tout pour monde, la tarte à la crème. Voilà, mais c'est à chaque fois, on est dans une situation extrêmement complexe, et il faudrait qu'on se mette, j'aimerais qu'on se mette autour de la table, qu'on discute. Je comprends pas qu'on discute pas dans ce putain de pays. C'est vraiment un truc qu'on se met autour de la table, on discute, on trouve un compromis et on avance. Patrick Pelloux, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, donc votre dernier livre, chez Robert Laffont, Les derniers jours des grands hommes. Finalement, on en a un peu parlé. Formidable. Tout au long de. Merci beaucoup. De l'interview. Je vous en prie, Patrick Pelloux, merci d'être venu nous voir. Au revoir. Mais c'est un plaisir. À bientôt. Merci.